400 gros. Mamoudou. Pour ton gros cul. Ouf. J'ai que des idées saugrenues. Tu veux mon pardon, t'auras mon crachat. Royon, héritier de Mufasa. Vous coupez les bras jusqu'au moignon. Vous méritez que je vous fasse ça. 9 mm par Uzi. Comme mes vatos, je veux ça plus ici. Au lieu de péter ma brune plus tard, je peux changer ton verre d'eau en cola. Sous le menton, j'ai une crinière. Serengeti dans la moelle épinière. Même quand tu seras 6 pieds sous terre, tu n'auras pas encore assez souffert. Laisse-moi faire des thunes et des fourrailles sur les Ariens. Lâche-toi, ne s'en raye pas sous les dunes comme un tchadien. Il t'en reste encore sous le pif, mais je serai muet comme une tombe. S'il te plaît, bite, garde ton soutif. Surtout si t'as les seins qui tombent. Piège. Magnum, Magnum, 357 Magnum. Magnum, litron de siroc, Magnum, Magnum, Porsche Cayenne Turbo, Magnum, Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. Avec mon 357 Magnum, avec mon litron de siroc, Magnum, les clés du Porsche Cayenne Turbo, Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'arrêterai de la ramener quand j'aurai tout dit. J'rentrerai à Niamey ou à Djibouti. Rien n'est jamais acquis, rien n'est abouti. J'dois encore les traquer comme des agoutis. Le flow est prodigieux et intemporel. J'mets de l'eau dans tes yeux et sur l'aquarelle. Si je pars en guerre comme Marc Aurèle, zéro sera ta température corporelle. J'suis pas venu mettre le doute dans ta tête. Je veux juste mettre du foot dans ta chèque. J'suis dans tous les virages comme la dame blanche. Même les traits d'humour sont à la craie blanche. Grosse disquette dans toutes les deux fins. Machette sur tes dents devant. Mon argent me dit qu'ils veulent me plumer. Mon tocaref me dit qu'il faut les fumer. Indomptable comme un camer. On est instable, on fait des AR. T'aimes pas, bah va niquer ta mère. T'as rien dans le bide même après le scanner. Tony ne voulait pas mourir, cuisseau. Mani voulait pas mourir, puceau. Rose bicolore, je sors du zoo. Le son est si lourd que tu changes de fuseau. Magnum, Magnum, 357 Magnum, Magnum, litron de siroc, Magnum, Magnum, Porsche Cayenne Turbo, Magnum, Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. Avec mon 357 Magnum, avec mon litron de siroc Magnum, les clés du Porsche Cayenne Turbo Magnum, avale ma glace comme un Magnum. Pour le bien de tous, faut que j'ai colère. J't'ai racheté des tatouages avec mes molaires. Tu veux résister, tester, tant pis. J'vais t'enterrer avec la mère à Bambi. J'aime le bruit entre les potes, le silence entre les notes. Les gros seins des poussées riotes, je les mange en papillotes. Je suis venu pour enquiller, tu veux être avec les chantillés. Je suis gamosé, plein de billets, je me gare sur les pointillés. Je suis toujours le premier, à l'allumage d'un grand wash. Et je serai le dernier, à l'extraction des grands singes. 2-7, Magnum, Magnum, 357 Magnum, Magnum, litron de siroc, Magnum, Magnum, Porsche Cayenne Turbo, Magnum, Magnum, avale ma glace comme un Magnum. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. J'suis dans le carré, bande d'enculé. Avec mon 357 Magnum, avec mon litron de siroc Magnum, les clés du Porsche Cayenne Turbo Magnum, avale ma glace comme un Magnum. Thérapie. S-E-V-R-A-N S-E S-E S-E S-E